chez Jean Dumas Ford de Dolbeau Mistassini. On vous offre le F-150 9 à 0% jusqu'à 72 mois sur les modèles sélectionnés. De plus, obtenez plus de 6 000 $ en valeur totale, incluant 3 350 $ en allocation et livraison. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina, Dolbeau Mistassini. 418-276-1316. Toute l'équipe de Jean Dumas Ford Dolbeau Mistassini vous invite à visiter notre page Facebook pour les différentes promotions. Jean Dumas Multiconcessionnaire. On va parler du multiconcessionnaire de Dolbeau Mistassini avec les joueurs qui veulent bien me parler parce que c'est pas évident pour tout le monde de parler. On va parler avec Elliott Lapointe. Elliott Lapointe qui a fait partie, qui a joué 2-3 matchs à l'époque de la première mouture du multiconcessionnaire. Ça fait un bout, par exemple. Et comment il a réussi à garder la forme? On lui parle. Salut, Elliott. Salut, Danny. Ça va bien. Elliott, oui, t'as joué quoi? 2-3 matchs avec la première mouture du multiconcessionnaire, je pense, si je me rappelle bien. Ouais, j'en crois. Ouais, à l'époque, j'étais un joueur affilié, là. C'était pas mal le corner de l'équipe, là. Ouais, mais tu gagnais moins le gros salaire, par exemple. Ouais, peut-être, je serais moins cher payé. Chip une liqueur à la fin de la game. Ouais, chip une liqueur, puis c'est ça. Mais blague à part, comment t'es rendu avec... l'année passée, t'as pas joué? Est-ce que je me rappelle? Non, l'année passée, j'étais complètement sur une autre planète, là. Neptune, non, j'étais sur... en Afrique. J'ai passé 2 ans en Afrique où est-ce que... Des défis professionnels, là. Je travaillais pour une coopération internationale, donc j'étais au Burkina Faso. Fait que, ah, OK. Je ne cacherais pas d'année que le hockey là-bas, là, c'est pas en émergence. OK. Puis là, tu as décidé de revenir dans la région. Oui, je suis revenu. Bon, je me trouvais un emploi ici. Puis là, en même temps, j'étais allé à une première pratique du multiconcessionnaire. Je pensais pas que ça allait refaire, là, après quasiment 1 an ou 2 sans chausser les patins, mais bon. Une game, 2 games, 3 games, puis on en refait la piqûre, c'est pas trop long. Hein? Ah ouais, ouais. Sortir le hockey du gars, mais pourquoi le comment, hockey. Là. Comment tu te débrouilles dans l'ensemble, là? Est-ce que, écoute, t'as pas joué pendant 2 ans, c'est quand même si c'est pas la grosse compétition, on veut dire, c'est pas la Ligue nord-américaine, faut quand même pas se compter d'histoire, là, mais comment tu te débrouilles là-dedans? Est-ce que tu t'en tires ou tu sens que t'as pas atteint la game shape, comme qu'on pourrait dire, là? Ça va, Danny, là, je te dirais, de match en match, je m'améliore. Je suis un joueur qui est un défenseur défensif qui fait les choses simples. Fait que c'est pas ça va. Tu sais, j'ai mon rôle qui est assez clair, là. Gérald est là. Gérald, c'est un bon pédagogue. Je retrouve le rythme tranquillement pas vite. Je te dirais que c'est la poursuite logique du junior 2A. Okay. Donc, je pense que ça va. Tu sais, l'équipe est pas toujours pleine. Fait que j'ai toujours ma place, mais je cacherai pas que quand tout le monde est là, peut-être que je peux passer des matchs dans les estrades. Mais j'accepte mon rôle, puis peu à peu, on fait sa place. Ok. Comment tu trouves la ligue? C'est une belle ligue. C'est une belle ligue. Il y a 4 équipes, c'est sûr. C'est un peu dommage, ça serait toujours fun d'en avoir plus. Mais il y a pour les 3 premières équipes, si tu vois le classement, là, on n'a pas besoin de le lire en profondeur. Il y a de la parité dans les 3 équipes, Charlevoix, Jonquière, Dolbeau. Côte-Nord, c'est nos histoires sont comme 0-6 cette année, ouais. Mais on a joué 2 fois contre d'autres, puis c'est des bonnes équipes, il y a des bons joueurs, mais bon, ça marche moins, peut-être qu'ils vont se redécouvrir. Mais côté ligue, ça c'est assez physique, pas beaucoup de violence, ni des ennemis, là. Il y a des gars qui sont là pour brasser, il y a quelques bagarres, mais dans l'ensemble, c'est une belle ligue, puis on sent que c'est le fun pour des joueurs comme moi, puis plein d'autres, d'avoir la chance de continuer à jouer. Là. Ben oui, effectivement, puis ça a été fait pour ça aussi, là, Elliott. Ça a été fait pour ça, là, cette ligue-là. Là. Ouais, puis il y a tellement des bons joueurs encore, là. Tu sais, nous autres, on a juste Simon Tremblay, ouais. Steven Girard, Michael Drolet, puis il y en a plein ailleurs, Jérémy Vigneault à Jonquière, à Charlevoix. Bon, c'est des gars que j'ai pas trop côtoyés, mais il y a des bons joueurs, puis c'est aussi un bon spectacle. Tu sais, juste à Dolbeau, on attire 500-600 personnes. C'est le fun, c'est super le fun. Es-tu surpris justement de voir ça, 500-600 personnes à Dolbeau, mais c'est pour des matchs? Pas surpris parce que c'est la seule offre côté hockey qu'il y a. Puis c'est drôle de voir parce qu'à Jonquière viennent tout juste, tu as vu passer ça, viennent ouais, à la baie. Donc en fait, on joue contre eux justement. Puis je suis pas inquiet de voir qu'à l'Abbé, ça va se remplir. Donc, pour des petits milieux comme l'Abbé, Dolbeau, même Forestville, c'est le fun. Il y a une offre pour ça, puis il y a une demande. Puis chacun vient chercher de quoi. Il y en a qui aiment le beau hockey, il y en a, puis il y en a d'autres, on se le cachera pas, qui sont là pour la bagarre. On leur en offre. La bagarre, on n'a pas de misère à retrouver des bagarres, c'est drôle, là. Mais ça donne un petit peu de belle. Tant qu'ils se battent entre eux autres, il n'y a pas de problème, là. Tu sais, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème avec ça, moi, là. Il n'y a aucun problème avec ça. Puis, tu sais, souvent, les monde vont dire la bagarre, la bagarre, c'est la violence au hockey, mais bon, ça dépend des philosophies. Personnellement, moi, je pense que c'est nécessaire d'avoir des bagarreurs dans l'équipe pour protéger certains joueurs vedettes. Puis, moi, j'ai toujours pensé que la bagarre, ça nettoyait le jeu. Moi, en étant un joueur qui n'est pas trop bagarreur, ben, je vais te dire, en enfant, mon bâton, je le tiens un petit peu plus bas, là. Tu sais, si je sais que je peux me faire péter la gueule, là. Fait que, non, c'est bien. OK. Dis-moi, comment tu trouves ça d'aller jouer des matchs des fois le samedi soir? Parce que la semaine passée, je faisais une entrevue avec le coach de la Côte-Nord la dernière fois qu'ils sont venus de Boom-Sassini. Puis il disait, le samedi soir, ça se bouscule pas pour venir jouer à Dolboom-Sassini. Ça doit être pas mal la même chose quand vous allez sur la Côte-Nord. En fait, c'était ça la Côte-Nord, là. Ben c'est sûr, ça se bouscule pas. C'est dur d'aligner une équipe complète. T'sais. On part, on est allé à Forestville en fin de semaine, on est parti à 2h de l'après-midi, puis on est pratiquement revenu à 4-5h le matin. Il y a des gars là-dedans, il y a des pères de famille, il y a des gars qui travaillent dans des horaires atypiques. C'est plus dur, là, c'est prenant, on demande quasiment là, un 15-16h. Mais pour un joueur, c'est le fun. Là, on retombe en enfance, à l'adolescence, on faisait des trips avec les gars. Puis, au début, d'un point de vue extérieur, on dit que c'est prenant, mais quand tu embarques dans l'autobus, puis tu prends, c'est un trip de gang. Là, la plupart des gars. Ouais, c'est ça. Que, parle à n'importe qui, là, que ce soit dans dans le junior majeur, que tu sois dans la Ligue nationale, que tu sois dans la Ligue du Lac au Fleuve, ce qui manque, c'est ça, le trip de gang. Là. C'est ça qui est le fun. C'est le fun. En descendant, écoute, on a de la bière là, en descendant, puis c'est le fun. Je te cacherai pas qu'il y en a qui les genoux plient là, quand ils débarquent la bus là, dans le parking de l'aréna à Dolbeau le samedi soir. Mais c'est le fun. Là. Il y en a qui lèvent le coude pas mal? Ah là, je te nommerai pas de nom. Okay, là, mais on est bien traité, là, une petite caisse de bière en descendant. C'est bien correct. Fait que la Ligue, c'est quand même bien. Fait que Elliot, je vais te souhaiter la meilleure des chances pour le reste de la saison. C'est quand même le fun de voir que, un, t'es revenu dans la région. Moi, je trouve ça excellent. Moi, je trippe toujours quand je vois des gens revenir en région. T'as choisi de venir à Dolbeau-Missassini. C'est sûr que c'est pas du sport, mais je te félicite pareil. Puis je te félicite d'avoir fait un retour au jeu. Comment ça fait la tête? T'as pas joué au hockey? 2 ans? Ben, du hockey de compétition, moi là j'ai 27 ans, j'avais du vrai hockey de compétition, j'avais pas joué depuis d'éperbie depuis 21 ans, mais j'avais été un an et demi facile sans chausser les patins. Fait que, comme du basique, ça se perd pas. Ça ouais non, je suis pas prêt à dire ça. Ah ouais, okay. Dans mon cas, peut-être, mais non. Mais on se retrouve rapidement. Non, il n'y a pas de problème. Ben Elliot, un gros merci. Félicitations, puis on se reparle peut-être d'ici la fin de l'année. Pas de problème, Danny. Elliot Lapointe du multi-concessionnaire de Dolbeau.